à 17h02, LSD, la série documentaire par Perrine Carvran. Bonne soirée. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Carvran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse L'espionnage sur écoute, une série d'Amaury Chardot réalisée par Julie Béressy. Au départ de cette série, il y a des fantasmes et des clichés, des appareils photo miniatures, des identités troubles, des valises à double fond et des micros cachés. Parce que l'espion a toujours fait rêver et que 007 n'est pas immortel par hasard. Mais il y a aussi une réalité glacée et complexe. La guerre froide, le secret d'État, les conflits mondiaux, les enjeux politiques autant qu'économiques. Et tout au bout de ces tentacules, il y a des hommes et des femmes à l'identité cachée, au destin trouble et dont les motivations sont la part de mystère qui nous échappera toujours. Et auxquels on peut désormais donner les visages de malotru ou de phénomène. Alors pour commencer, les personnages, des patrons qui vivent dans un climat de guerre permanente, des consultants sur la brèche, des stagiaires infiltrés au service de la concurrence, d'anciens de la DGSE passés au service du privé, des fouineurs et des journalistes. Ensuite, le décor, des classes d'affaires sur écoute, des Eurostars de retour de Londres où l'on glane ce que l'on cherche, des bureaux spacieux dont les murs ont des oreilles, des salles de réunion avec micro et des standards bien gardés. Aujourd'hui, on est dans le secret des entreprises et l'argent est décidément le nerf de la guerre. Je me souviens d'une mission de quelques années où j'ai fait un aller-retour dans un pays uniquement pour voyager assis à côté d'un passager et le faire parler. Et je l'ai fait parler pendant une bonne partie du vol. Passager que je ne connaissais pas. C'est quelqu'un qu'on n'arrivait pas à approcher, etc. On a su qu'il voyageait ce jour-là sur tel vol. Le client a fait le pari en me disant « on essaye ». On a essayé, ça a marché. J'ai réussi à créer le contact, à ce qu'ils se souviennent de moi, à échanger de manière assez détaillée sur le projet qui nous intéressait et à avoir le point de vue du personnage. Le pari, c'est que le gars ne comprenne pas pourquoi on est là. Mais l'avantage des vols intercontinentaux, c'est qu'on a du temps. Aujourd'hui, dans la compétition moderne, on s'aperçoit que tout le monde est à peu près au même niveau. Technique, industriel, financier, tout est à un niveau. Donc comment faire la différence? On voit bien que la différence, c'est par le renseignement. C'est-à-dire que celui qui a plus d'informations que l'autre est meilleur que l'autre. Parce qu'il peut anticiper, parce qu'il peut répondre, parce qu'il peut réagir. Donc il faut aller chercher l'information. Quand je travaillais pour JP Morgan, je passais beaucoup de mon temps dans l'Eurostar, puisque j'allais à Londres toutes les semaines, et c'était devenu mon train de banlieue. Et pendant ces quelques 3 heures de transport, j'avais la chance de voyager en classe affaires, mes oreilles ne pouvaient pas s'empêcher de fonctionner. Et je peux vous assurer qu'en j'ai dû faire ça pendant 5 ans, des allers-retours quotidiens, j'aurais pu écrire plusieurs livres sur tout ce que j'ai pu entendre. À l'époque, les gens utilisaient déjà ce qu'on n'appelait pas encore des smartphones, mais des téléphones portables. Et les conversations que je pouvais entendre étaient absolument incroyables. Incroyable que des cadres puissent à ce point s'épancher dans des lieux publics. Et alors avec parfois, c'est ça qui était délicieux, et ça a beaucoup changé d'ailleurs, une qualité de réception plutôt médiocre, et plus la qualité est médiocre, et plus les gens ont tendance à hurler. Aujourd'hui c'est ça, la guerre économique, elle est faite par des États pour la défense de l'emploi, pour la survie du tissu économique du propre pays. Donc tous les moyens sont bons. Pour des informations chiffrées que l'on doit vous communiquer au dernier moment et que tout le monde attend, il faut être sûr que vous soyez les seuls destinataires. Ce pourrait être le casse du siècle à venir, dissimulant jusqu'à son existence derrière des appellations protéiformes. Espionnage industriel et commercial, renseignement concurrentiel, renseignement d'affaires ou bien, comme on le désigne aujourd'hui pudiquement en France, intelligence économique. L'espionnage de l'argent, en somme. Soit le fait pour une entreprise de lorgner sur les secrets technologiques, commerciaux ou stratégiques de ses rivales, ou bien d'œuvrer à déstabiliser ces dernières pour mieux les éliminer. Le montant du butin se chiffrerait chaque année en centaines de millions, voire en milliards. préjudice vertigineux et impossible à quantifier tant la victime du jour pourrait être l'agresseur de demain, et tant cette prédation économique semble relever du darwinisme élémentaire propre au capitalisme. À ce jeu-là, tout est possible. Intrusion informatique, vol à l'arraché dans des aéroports, micros disposés sous des tables, campagne de diffamation, innocents stagiaires. On dénonce les coups bas de l'adversaire, mais on met tous les moyens de son côté, y compris ceux des services de renseignement de son pays d'origine. Enfin, le marché ayant horreur du vide, s'est développé dès les années 90 une offre d'officines destinée à se protéger des attaques, à moins qu'il ne s'agisse d'en lancer. Des officines au sein desquelles opèrent souvent des anciens des services d'État. À la guerre économique, comme à la guerre. Amaury Chardot, Julie Béressy. France Inter, il est 13h pour le moment. 1er janvier 1985. Pierre Marion, donc, qui a été à la tête de la DGSE et qui est avec nous dans ce studio. Alors, Pierre Marion nous a appris qu'en prenant ses fonctions, il avait donné l'ordre d'intensifier, disons, ce qu'on appelle pudiquement le renseignement industriel et commercial. Et ça fait un certain bruit parce que les Américains vous soupçonnent même d'avoir mis certains micros sous les sièges d'Air France pour espionner quelques riches hommes d'affaires américains qui voyageaient entre Paris et les États-Unis. D'abord, vous démentez ou vous confirmez Il y avait des micros ou pas ? Je démens tout à fait. D'ailleurs, un télégramme de l'AFP de ce matin, hier soir ça, tard, est également démenti. C'est une affirmation de la chaîne américaine et non pas de moi-même. Oui, mais c'est complètement stupide comme hypothèse ou pas ? Non, non, nous craignions que cette pratique se produise sur les avions étrangers et nous avertissions nos dirigeants d'entreprise de faire attention. Donc c'était pas dans l'autre sens. D'accord, donc c'est pas nous, Air France, nous on est tout propre, mais peut-être la TWA. Les sièges sont propres. Et nettoyés. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'espionne pas quand on sait qu'un industriel important prend l'avion, qu'on ne va pas sur le siège, enfin derrière lui par exemple, pour écouter ce qu'il dit. Pierre Marion, qui avait été nommé par François Mitterrand et puis par le ministre de l'époque, Charles Hernu, patron de la DGSE, avait été le patron d'Air France pour les États-Unis. Alain Juillet, ancien responsable de l'intelligence économique auprès du Premier ministre. Donc il connaissait très bien les États-Unis. Et lui, ça l'avait frappé. Il avait dit, il faut absolument qu'on aille chercher des informations économiques. On ne peut pas se contenter de faire de la géopolitique ou du militaire. Donc Marion a dit, on va faire de l'économique. Il a lancé une opération sur les États-Unis. Bon, il y a eu bien sûr une trahison. Les gens qui ont été envoyés là-bas ont été dénoncés par une taupe. Il y a eu une taupe américaine dans la DGSE. Il y a eu une fuite. Toujours est-il que donc, ils se sont fait prendre. Il y a eu une négociation et que la contrepartie à l'époque, hein, ça a été que les Français ne feraient plus d'un renseignement économique aux États-Unis. Interdit, hein. Ça s'est arrêté là. Donc ça a été un essai, mais terminé. Les Américains, du coup, ont servi de ça pour ensuite dire les Français, c'est les rois du renseignement économique, ce qui est absolument faux, parce que justement, quand on a créé l'intelligence économique, c'est parce que l'État a eu conscience qu'on était nul. Il faut dire la vérité, on était nul dans ce domaine par rapport aux Américains et aux Anglais, parce que les Anglais, ils font ça depuis toujours. Qu'on passe des Américains depuis 85 avec le lancement de l'intelligence économique aux États-Unis, enfin du renseignement économique compétitif. Par contre, les Anglais, ils font ça depuis 500 ans. Eux, c'est leur seconde nature, donc c'est autre chose. Le renseignement économique a toujours existé. Il était seulement pratiqué de manière plutôt marginale. Éric Denessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. On le retrouve, en tout cas les traces d'archives nous permettent de le retrouver dès l'époque de Venise, comment les moyens de renseignement de la République vénitienne étaient essentiellement orientés sur des questions économiques. On le trouve avec la banque et la famille Rothschild sous l'Empire. On a de très nombreux exemples. De manière plus récente, on le retrouve à partir des années 60 aux États-Unis avec des grandes sociétés comme Royco et Liebig qui se livrent des guerres extraordinaires et qui développent leur propre système de renseignement concurrentiel. Et c'est surtout à partir des années 80, fin des années 80, qu'on commence à voir, y compris en Extrême-Orient, à Hong Kong, un certain nombre de publications, de réflexions sur comment connaître votre compétiteur. Et en France, ça apparaît dans les années 94-95, autour du commissariat général au plan, sous l'impulsion officielle de Henri Martre. Henri Martre, en 94, qui était le patron de l'aérospatiale à l'époque, le père d'Airbus, hein. Henri Martre avec quelques autres, avait découvert que les Américains avaient lancé dans les années 85 un nouveau concept qui s'appelait l'intelligence compétitive aux États-Unis, le renseignement concurrentiel, pour traduire en français, et que les Américains étaient en train de marquer des points dans la compétition internationale grâce à ça. En étant mieux informés que les autres, ils étaient plus efficaces. Donc Martre a fait un premier rapport en disant « attention, danger, voilà ce qu'ont développé les Américains, voilà ce qu'il faut qu'on fasse en France ». Bon, le problème, c'est qu'il a fait ça en 1994, mais qu'après une première année très bonne, où ça a très bien marché, tout le monde s'y est intéressé, et puis c'est retombé comme un soufflet. C'est retombé, et il a fallu attendre 2001-2002, pour que Jean-Pierre Raffarin reprenne le dossier. Après qu'on ait perdu J'aime Plus, qui était le leader mondial des cartes à puces, et qu'on avait perdu d'un coup, les Américains ont pris le contrôle de J'aime Plus par une opération très simple, d'ailleurs, et très réussie. Et du jour au lendemain, on avait perdu la société sans avoir rien vu. Et on a eu, dans le même temps, on a eu Péchinet, cinquième entreprise française, quand même le roi de l'aluminium français, qui était passé sous contrôle canadien, qui avait disparu en un week-end. Les Français ont découvert ça en disant « c'est pas possible, comment ça se fait qu'on ait pu se faire prendre ça sans le savoir, sans voir rien venir ?» Alors le Premier ministre de l'époque, dont Jean-Pierre Raffarin, a dit « pourquoi on perd des sociétés de cette taille ou de cette importance comme ça ?» C'est simple, c'est que les Américains utilisent les techniques d'intelligence économique et voilà ce qu'il faudra en France. Et c'est à la suite de ça que moi j'étais directeur du renseignement, donc à la DGSE, et le cabinet du Premier ministre et Mme Alliot-Marie, qui était ministre de la Défense, m'ont convoqué, m'ont dit « ben écoute, tu vas quitter le renseignement, la direction du renseignement, et tu vas monter l'intelligence économique en France ». C'est une mission formidable. Début, milieu des années 90, c'est l'État qui crée en fait son propre acteur pour les grands groupes, notamment liés à l'État. Pierre Gatineau, journaliste. Priorité à la défense, mais aussi l'électricité, ça peut être la concession d'eau. Et ça, du coup, très vite, effectivement, tu vas avoir des sociétés qui vont faire ça, une foultitude de petits cabinets qui ne représentent généralement que leurs fondateurs et deux, trois autres personnes autour. Ce sont des toutes petites entreprises, souvent des anciens des services de renseignement ou de la police, type anciens de l'OCRB, donc de la répression du banditisme, ou anciens des brigades financières ou autres, qui montent leur petite structure, souvent liées à un ou deux gros clients. Ce sont presque des cabinets de détectives privés. C'est des cabinets de détectives privés qui sont allés dans l'économique et donc du coup qui ont développé leur propre approche. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai rendez-vous chez Risk & Co avec Benoît Delamotte. Parmi les acteurs privés qui émergent alors en France, Bruno Delamotte. De lui-même, il écrivait récemment « À une autre époque, j'aurais peut-être pris part à la guerre froide en luttant contre les soviétiques aux côtés des freedom fighters afghans ou angolais, voire à la défense de l'Occident aux côtés des phalangistes libanais. Si dans une boucherie j'ai toujours préféré le rôle du boucher à celui du bœuf, je ne suis pas pour autant prêt à plaider coupable pour les nombreuses dérives de la profession. » Le fait que ces affrontements soient le plus souvent feutrés ne doit pas faire oublier que la violence est toujours sous-jacente. Vous avez annulé mon vol pour ce soir, par dessus ? Comment ? Vous avez annulé mon billet pour ce soir ? Il est annulé, oui. Il faut l'annuler. Annulé, pardon, d'accord. Quand je démarre, en 93, les acteurs du marché français se comptent sur les doigts des deux mains, voire sur les doigts du demain. Mon premier client s'appelait Air France, le deuxième s'appelait Elf. Et ensuite sont venus des groupes comme Total, comme Thomson CSF à l'époque, comme Michelin, comme Renault, etc., etc. L'idée, c'est de réussir à centraliser des informations, à les faire circuler. L'idée, c'est d'avoir l'information en avance de phase. C'est d'être une aide à la décision pour le décideur qu'on a en face de nous. C'est un monde de parano où les gens ne parlent pas au téléphone. Donc c'est un univers de rencontres, de discussions, de dîners, de déjeuners, de voyages, qui n'ont souvent rien de voyage de rêve. L'Afrique du Sud, j'ai fait 130 allers-retours en Afrique du Sud sur les différents dossiers. J'en ai fait plus de 150 sur les Émirats Arabes Unis. Vous savez, au bout d'un moment, il n'y a plus rien à découvrir. Et de toute manière, on n'a pas le temps de faire du tourisme. Et on a intérêt à pouvoir discuter avec un maximum de gens. J'ai l'habitude de dire que ma seule richesse, c'est mon carnet d'adresses. Ça va du privé au plus haut niveau de l'appareil d'État, avec toute la gamme militaire, espion, diplomate, avocat, journaliste, homme d'affaires, j'ai de tout. Et des gens qui savent qu'ils peuvent me parler, qu'on ne saura pas qui m'a parlé et que je saurai renvoyer l'ascenseur s'ils ont besoin. Quand on s'intéresse aux logiques sous-jacentes, des grands sujets économiques, des grands sujets industriels, on se rend compte assez vite qu'il y a toujours des acteurs dont on parle jamais qui opèrent dans l'ombre, que par exemple pour les grands contrats, tous les grands contrats d'armement, les grands contrats qui touchent à la souveraineté des États, donc ça peut être des contrats d'énergie, des contrats de matières premières, de commodities, on dit en anglais, ou des contrats par exemple de concession d'eau ou autre. On se rend compte notamment dans le Golfe, mais aussi en Afrique du Nord et après partout dans le monde. Mais pour mes régions que je connais le mieux, les grandes sociétés ont toujours besoin d'intervenants discrets, ont toujours besoin de cabinets qui opèrent pour les aider à trouver le bon partenaire sur place. On est sur des marchés très opaques, où la gouvernance est pas toujours très claire, où les processus d'appel d'offres le sont encore moins. Et du coup, il faut avoir des poissons pilotes sur place qui t'aident à trouver le bon interlocuteur, qui est souvent pas celui qui est officiel, mais qui est souvent dans l'ombre. Ça peut être un prince, le cousin d'un chef d'État ou autre. En Afrique, par exemple, c'est plus comme ça. Ou de la bonne tribu, du bon... Et donc, à partir de là, on a besoin de cabinets de renseignement d'affaires pour savoir est-ce que ce mec est fiable. Est-ce qu'il a déjà été condamné? Est-ce qu'il sera condamné? Est-ce que ses réseaux sont les bons? Retour ce matin sur cette gifle. Hein, 29 décembre 2009. Français, Abu Dhabi a donc préféré acheter des centrales coréennes. C'est une mauvaise nouvelle pour le gouvernement et aussi pour Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy n'a pourtant pas ménagé ses efforts en se rendant lui-même à Abu Dhabi et en dépêchant à plusieurs reprises Claude Guéant dans l'émirat. Rien n'y a fait. Les centrales coréennes vieillottes, moins sûres, ont battu à plate couture nos réacteurs EPR dernier cri. À qui la faute? L'entourage présidentiel désigne Anne Lauvergeon, la patronne d'Areva, suspectée d'avoir mal négocié. L'Élysée, qui a tenté de récupérer le dossier, ne pouvait qu'échouer, se justifie un conseiller. On avait des Émiratis qui nous disaient on veut générer de l'électricité par le nucléaire, donc il faut qu'on génère du nucléaire le moins cher possible dans de bonnes conditions de sûreté. Et donc vous intervenez quand et pour faire quoi? Il y a la demande nous, de qui? On intervient très en amont sur... Le fait de dire, les Émiratis veulent acheter des centrales nucléaires, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ils sont en train de lancer le process pour pouvoir le faire? Ou est-ce que c'est juste un nouvel éléphant blanc qu'ils agitent sous le nez de quelques groupes, destiné à faire baisser les prix sur d'autres équipements, destiné à faire courir des gens, attirer l'attention? On n'est pas négociateur. On fournit aux négociateurs et aux commerciaux les éléments de compréhension du tissu local. Qu'est-ce qu'ils pensent? Où ils vont? Qui sera autour de la table? Dans quelles conditions? Très vite, on a la confirmation que il y a l'appel d'offres qui est lancé et sérieux, qu'ils font travailler les experts nécessaires, qu'ils ont mis en place le lobbying pour avoir l'autorisation internationale de construire les centrales. On voit tout se mettre en place et on sait qu'ils vont aller au bout. Et donc vous, pendant tous ces mois-là, vous cherchez à alerter ce consortium français que l'affaire se fera pas? Je cherche pas à alerter ce consortium, je suis consultant du consortium. Donc je leur dis, les Coréens vont l'avoir parce que les Coréens cassent les prix. Les Coréens sont beaucoup, beaucoup moins chers que vous, les Coréens. Mais je prêche dans le désert. Les Français se sont enfermés dans une logique qui était on va gagner, on va gagner, on va gagner malgré tout. Parce que les Émiratis sont nos amis, etc. Ben non, les Émiratis sont pas nos amis. Les Émiratis sont des clients qui vont où va leurs intérêts, point. Comme disait très justement Churchill, dans le monde actuel, on n'a pas d'amis. On peut avoir des partenaires pour des durées limitées, mais on a surtout des ennemis. Et c'est ça qui est le fond du problème. Donc chacun essaie de gagner avec les moyens qu'il a. Et effectivement, certaines fois, les gens ne font vraiment pas de cadeaux. Il faut être clair, au niveau mondial, les gens ne font pas de cadeaux. Chacun essaie de trouver des astuces pour gagner par rapport à l'autre. Et s'il peut piéger l'autre, il le fera. Tous les coups sont permis. Le principal risque, c'est clair, ce sont les pénétrations informatiques, soit pour piller de données qui peuvent être de tous ordres, les clients, les recettes, l'organisation ou autre, soit pour escroquer, c'est-à-dire faire du chantage, c'est l'escroquerie à la nigériane, où on se fait passer pour le président et puis on fait virer une somme d'argent, ça marche très bien. L'opération, elle se fait en général à 6h du soir ou 5h du soir, le vendredi soir, quand on sait, parce que les gens qui font ça surveille l'entreprise avec toutes les informations à l'intérieur, et ils savent que le président est parti, que le directeur financier est parti, et le malheureux sur qui ça tombe, c'est le comptable, c'est l'adjoint, avec un message impératif du président disant, il faut virer 10 millions d'euros, ou 5 millions d'euros, ou plus, tout de suite à tel compte, dans le cadre de l'affaire en négociation que vous savez. Le malheureux, lui, c'est rien. Tous les signes montrent que c'est le patron qui a apparemment envoyé le message, et il fait le virement. Et l'argent est perdu. Le détournement par l'escroquerie à la nigériane, 480 millions en France en 3 ans. 420 millions d'euros, c'est pas un franc, hein. Ça a tué des quantités de petites entreprises. Alors, les grosses, elles souffrent parce qu'elles perdent un coup, elles perdent leurs bénéfices de l'année, ou une partie, mais les toutes petites, elles meurent, hein. Pour pouvoir faire cette escroquerie, il faut être rentré dans l'entreprise, il faut avoir regardé les programmes de travail de chacun, il faut regarder comment les messages sont rédigés en intranet dans l'entreprise pour être exactement, pour faire un texte qui est exactement celui qu'enverrait le président. Ça prend des semaines et des semaines de travail. Aujourd'hui, la moyenne entre le moment où un hacker rentre dans l'entreprise et le moment où il fait son action, en moyenne plus de 200 jours se passe. On le voit pas. Et il se promène. Il se promène, il récupère des informations, il prépare son coup. Et le moment du coup, ça se passe en 3 minutes. Hein. Ainsi donc, Internet et l'informatisation ouvrant des brèches, les grandes entreprises ont créé en leur sein des postes dédiés, les RSSI, responsables de la sécurité des systèmes d'information. Olivier Lignol est l'un d'eux. Discrétion oblige, il préfère ne pas dire quel groupe l'emploie. Nous le retrouvons ce jour-là, au 19e étage d'une tour de la Défense. Dans cette salle, j'arrive tout de suite, hein, cette salle-là. Des attaques, on va dire, l'équivalent de l'attaque du cambrioleur qui va taper à la fenêtre pour voir si la fenêtre est ouverte, c'est tous les jours. On a des milliers de tentatives d'attaques de ce type-là. Parce qu'en fait, qu'est-ce que font les attaquants? Ils ciblent des centaines de milliers d'adresses et essayent de voir s'il n'y en a pas qui auraient une vulnérabilité et essayent de rentrer là où c'est ouvert. Et donc évidemment, comme on a une exposition assez large, parce qu'on a un grand groupe, bah, à ce titre-là, on se retrouve dans une situation dans laquelle souvent on essaie de solliciter les barrières automatiques qui sont à l'entrée de nos systèmes d'information. Après, sur des attaques un petit peu poussées, on est à quelques incidents par an sur des choses qui sont un peu plus avérées, dans lesquelles il y a des campagnes d'hameçonnage qui nous sont ciblés et dans lequel on essaye spécifiquement d'attaquer notre entreprise. Ça arrive assez régulièrement, plusieurs fois par an. Est-ce qu'on finit par connaître ces attaquants, ces ennemis ? Aujourd'hui, on est dans un mode qui a beaucoup évolué par rapport à ce que c'était en 2010. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un mode dans lequel le monde des attaquants s'est industrialisé. Et donc, c'est des économies. Et donc, on n'est plus sur un Mitnick qui laisserait des traces. Mitnick qui avait attaqué le FBI dans les années 80 et qui, pourchassé par le FBI, laissait des messages vis-à-vis de ceux qui le pourchassaient. Et donc, il y avait, entre guillemets, un jeu du chat et de la souris. Et donc, à ce titre-là, Mitnick est assez connu puisque c'est une grande référence dans le domaine du hacker pourchassé par le FBI. Mais aujourd'hui, dans les exemples plus récents, on est plutôt dans une approche dans laquelle on se dit, finalement, le vecteur d'attaque qui a été utilisé, c'est ce type de logiciel, ce type de développement. Et donc, un développeur, il développe d'une certaine manière, hein. Et donc, à ce titre-là, il nous arrive effectivement de retrouver des similitudes sur la manière avec laquelle quelque chose a été développé par rapport à d'autres choses qu'on aurait eues avant. Et j'ai appris par rapport à mon expérience dans le domaine de la cybersécurité à surtout me méfier d'idées arrêtées qu'on pourrait avoir sur une première impression. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde dans lequel on se retrouve un peu comme dans le film L'Arnaque avec Paul Newman, dans lequel on essaye de construire un environnement qui met en confiance la cible. Et puis la cible, du coup, une fois qu'elle est bien en confiance, on lui montre tout un scénario pour qu'elle se fasse piéger, dans le but d'en tirer un avantage quand on est l'attaquant. Et dans le domaine de la cybersécurité, on a fait la transformation digitale de l'arnaque. Et donc on se retrouve avec le scénario de ce film monté dans le monde virtuel. Et donc il faut faire toujours très attention, à mon sens, de ce qui paraît être l'attaquant et de ce qui pourrait être vraiment l'attaquant. Alain Bouillet, lui aussi RSSI dans un grand groupe, dirige le CESIN, Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique. Quand vous avez des milliers d'utilisateurs, des centaines de milliards de données qui se promènent dans l'entreprise, des consultants qui viennent travailler, des externes qui accèdent à votre système d'information, il devient essentiel que vous sachiez qui fait quoi et quand. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut espionner tout le monde et avoir un espion derrière l'épaule de chaque utilisateur, mais il existe des outils qui permettent, par exemple, de contrôler la fuite d'informations. Il est extrêmement facile aujourd'hui de faire fuir de l'information de manière volontaire, recopier l'information sur une clé USB, imprimer l'information sur l'imprimante, se l'envoyer sur un compte privé depuis l'entreprise. Il y a des dizaines de façons de faire fuir l'information de manière volontaire. Mais de manière accidentelle, c'est extrêmement simple. On parle beaucoup maintenant dans les entreprises de collaboratif. Il faut collaborer. On travaille à plusieurs sur un document, on le partage, on donne des accès à des groupes d'utilisateurs, etc. Et le « oups, j'ai cliqué sur le mauvais bouton » peut arriver pratiquement quotidiennement à chaque individu. Et il y a sur le marché des outils qui permettent effectivement de détecter que tel fichier a été imprimé sur telle imprimante à tel moment, le fichier a été recopié sur telle clé USB par tel utilisateur à tel moment, le fichier a été envoyé à telle messagerie Gmail privée par tel utilisateur à tel moment. Bref, on va savoir où passe l'information. La pénétration informatique, c'est un vrai risque, avec toutes ses conséquences, mais vous avez aussi, bien sûr, les gens dans l'entreprise. Alors, vous avez trois risques. Bien sûr, la taupe dans un conseil d'administration, sur qui va renseigner des concurrents. C'est non éthique, c'est infâme, mais ça arrive, malheureusement, mais ça arrive. La deuxième, ce sont les stagiaires. Alors les stagiaires, parce qu'on ne se méfie pas assez des stagiaires, et l'expérience a montré que des stagiaires bien formés étaient capables de récupérer des quantités d'informations. Il y a eu un cas chez Valeo il y a quelques années célèbre, avec une petite stagiaire qui avait piqué toutes les informations chez Valeo en changeant de laboratoire chez Valeo et en branchant son ordinateur chaque fois sur le circuit du laboratoire. Elle avait réussi à récupérer les plans de quantité de choses avant qu'on l'arrête. France Inter, 20 novembre 2007. Lorsque l'affaire éclate il y a 2 ans, Lily Wan passe pour une Mata Hari des temps modernes. Elle est accusée ni plus ni moins d'espionnage industriel par Valeo. Elle effectue alors un stage chez l'équipementier automobile. Cette jeune chinoise a en fait ramené des documents chez elle pour son rapport de stage, c'est ce qu'elle dit en tout cas. Aujourd'hui, l'accusation s'est un peu dégonflée, mais cet après-midi, elle va devoir s'expliquer devant le tribunal correctionnel de Versailles. En fait, Isabelle Souquet, elle reste poursuivie pour abus de confiance. Lily Wan n'a rien de l'étudiante surdouée et polyglotte que l'on a cru voir en elle quand l'affaire a éclaté. Il y a 2 ans, elle maîtrise encore assez mal le français et dira qu'elle n'a pas vraiment bien compris ce qu'était une clause de confidentialité. Lorsque tout ça m'est arrivé, j'avais 22 ans et je ne me suis pas rendu compte que je commettais une faute. Et je n'avais pas compris l'importance de la notion de confidentialité. Quand il s'agit de compiler des documents pour travailler à son rapport de stage, elle les copie et les ramène chez elle sans état d'âme. Pour moi, c'était une façon normale de préparer le rapport de stage. Et je ne pensais pas que faire ça aurait pu gêner Valeo et je ne pensais pas à faire mal. Aujourd'hui, Lily prépare une thèse. Elle est marquée par l'affaire et par 2 mois de détention. Elle imagine très difficilement que l'abus de confiance dont on l'accuse puisse lui valoir théoriquement 3 ans de prison. On sait typiquement que l'espionnage chinois est d'abord et surtout un espionnage technologique parce que l'espionnage chinois est un espionnage d'État. Les entreprises chinoises ne font pas d'intelligence économique. À chaque fois qu'il y a un espionnage chinois, ça veut dire que c'est l'État chinois qui est derrière et qu'il veut acquérir des technologies pour son industrie d'armement, pour son industrie aéronautique, parfois pour d'autres types d'industries qui ne relèvent pas du domaine de la sécurité-défense, mais c'est toujours piloté ou manipulé par des services d'État. Parfois, nos concurrents économiques, qui peuvent être allemands ou américains, vont utiliser un chinois pour voler de l'information et faire en sorte que l'entreprise ou le service de contre-espionnage du pays visé soit persuadé que ce soit un coup des Chinois alors que c'est un coup des Allemands, des Coréens ou des Américains. Mais encore une fois, dans 90% des cas, ce sont des Chinois qui sont derrière, évidemment. On a des stagiaires qui sont généralement ingénieurs ou développeurs ou en tout cas des scientifiques sur ces sujets-là, qui se retrouvent dans des stages, dans des labos de recherche, qui parfois sont en thèse, ou en échange sont des stagiaires scientifiques et qui, dans le cadre de leur activité, vont, avec des clés USB, copier la totalité des données auxquelles ils ont accès. Vont parfois voler des échantillons des projets sur lesquels ils travaillent, que ce soit des pièces, que ce soit des matières, que ce soit des liquides. Donc, on est vraiment dans un espionnage tout à fait classique. Mais pour revenir sur cet espionnage économique, mais qui n'est pas un espionnage d'entreprise, mais un espionnage d'État, parfois nous donnons nous-mêmes le bâton pour nous faire battre. Aujourd'hui, dans la vente d'un certain nombre de produits de haute technologie, notamment dans l'aéronautique, lorsque par exemple nous vendons des Airbus en Chine, les exigences des Chinois sur les contrats nous amènent amènent Airbus à donner des lignes de code sur un certain nombre pour faire simple, d'appareils qui servent à la navigation. Or, ça va être le même type d'appareil qu'on va retrouver sur nos Rafales. Les Chinois vont demander à ce que leur soit donnée la totalité des boîtes noires de l'appareil pour qu'ils comprennent comment tout marche. Or, il y a quand même des parties dans ces systèmes de navigation qui normalement ne sont pas données aux clients. Les Chinois le demandent et parfois, pour vendre à tout prix, un certain nombre de nos industriels acceptent ce genre de choses. Or, typiquement, sur un certain nombre de systèmes de navigation qui fonctionne sur les Airbus, on va retrouver des composants ou parfois des choses extrêmement similaires à ce qu'il y a sur nos avions de guerre, comme le sont les Rafales. C'est-à-dire donc donner des lignes de code ou des systèmes de navigation de l'Airbus veut dire que les Chinois sont capables maintenant de savoir comment fonctionne le Rafale, de le brouiller par exemple, ou eux-mêmes de dupliquer ce système-là pour leur propre avion de combat. Le vrai problème des entreprises, c'est le transfert de technologie. Parce que si vous transférez une technologie, combien de temps va mettre celui qui l'a récupéré pour pouvoir devenir concurrent avec vous ? Quand vous lancez une activité nouvelle, bon, vous êtes tout seul sur le marché, bon, personne ne va vous ennuyer. Mais quand vous commencez à transférer votre technologie sur un autre, est-ce que vous pesez le pour et le contre ? Quand Noël Forjat, à l'époque, patron d'Airbus, a décidé, avec son administration, hein, ils ont décidé d'installer en Chine une usine d'assemblage d'Airbus. Bon, donc on envoyait des pièces, des morceaux d'Airbus et on assemblait en Chine. Sur le plan du marché chinois, c'était une très belle opération puisque ça permettait de s'ouvrir à un marché qui est très important. Le marché des avions en Chine est très important. On allait prendre une part de marché significative. Mais de l'autre côté, le mauvais côté de l'affaire, c'était qu'en faisant l'assemblage là-bas, on apprenait aux Chinois comment on faisait. Et ça a pas loupé. Les Chinois, ils ont sorti un avion, vous savez maintenant, qui va être mis sur le marché bientôt. Et cet avion, il a bénéficié évidemment des techniques qu'ils ont pu voir faire dans le cadre de l'assemblage de l'Airbus en Chine. Donc, le problème pour Airbus, ça a été de faire un choix entre le court terme et le long terme. Et là, l'intelligence économique a toute son importance. Parce que c'est elle qui va vous dire, voilà les éléments dont ils disposent, voilà le niveau de leurs ingénieurs, qui fait qu'ils sont capables de faire ça et pas ça. Donc, si vous voulez, l'intelligence économique, c'est l'élément qui va permettre justement d'optimiser ce choix entre court terme et long terme, qui est un vrai problème pour toutes les grandes entreprises aujourd'hui. Et ça peut aussi passer même en amont par le lancement d'un appel d'offres. Pourriez-vous nous raconter cette histoire du TGV chinois ? Dans l'affaire du TGV chinois, les Chinois ont fait un appel d'offres aux trois grands fabricants de trains dans le monde. Il y avait un Japonais, un Allemand, un Français. En disant, voilà, on veut faire un TGV chinois, évidemment, entre Pékin et Canton. Donc, avec Parfia Shanghai, c'était le plus gros projet du monde, le plus grand à tout point de vue. Il y aurait plus de rames de trains que dans tous les autres. Donc, ça a passionné tout le monde. À partir de ce moment-là, l'appel d'offres s'est déroulé, a duré très longtemps. Chacun essayant de proposer la meilleure chose possible pour emporter le marché, ce qui était logique. À la fin du premier appel d'offres, les Chinois ont demandé un deuxième appel d'offres en disant « Vous êtes très bons tous et c'est difficile de vous départager, on fait un appel d'offres complémentaire ». Tout le monde, de nouveau, a donné un maximum de choses. Et bien entendu, quand on veut gagner, on a tendance à donner plus que ce qu'il faudrait. Des technologies, des savoir-faire qu'on ne doit pas fournir parce qu'il faut se protéger. Et normalement, les Américains, par exemple, interdisent un transfert de technologie supérieur à 40%. C'est la loi américaine. Bon, en France, on n'a pas ça. Donc, sur le train, une fois qu'ils ont eu les appels d'offres avec les trois grandes sociétés mondiales de train, à la fin du jeu, ils ont dit, bon, écoutez, on a réfléchi, on va le faire tout seul. En réalité, ils avaient récupéré tellement d'informations à travers l'appel d'offres des trois sociétés concernées qu'avec leurs ingénieurs, ils ont été capables de faire un train tout seul. Et donc, en définitive, tout le monde s'est fait rouler dans la farine. Le plus beau compliment que m'a fait un dirigeant du CAC 40, c'est qu'un jour, il m'a dit « L'avantage avec toi, c'est que quand je te vois arriver, je sais bien que t'es pas payé pour me dire ce que j'ai envie d'entendre et que tu vas me pourrir mon week-end. » J'ai dit « Monsieur le Président, je suis là pour vous dire ce que je ressens, ce que j'ai comme information, quelle est mon analyse du sujet. Après, vous prenez pas, hein, vous achetez pas. » Je me souviens d'un dirigeant... qui n'est plus en fonction aujourd'hui, m'expliquant aux collaborateurs avec qui je discutais que c'était pas possible, ce que je disais, ça correspondait pas, et qui finit par demander à me rencontrer. Et je lui dis, Monsieur le Président, tel jour, telle heure, avec telle personne, il s'est passé ça. On m'a dit que ça devrait vous évoquer quelque chose. Et à ce moment-là, il y a eu un grand blanc, et il a dit à son collaborateur, on continue avec lui. Et en m'accompagnant, il m'a dit, il y avait 5 personnes dans la pièce le jour où ça a été fait. Pas plus. Donc, lequel des 5 ? J'ai regardé en souriant et je lui ai dit, vous savez comme moi que 2 sont morts. Il y a une méprise qui est très importante en France, c'est que nous confondons les notions de renseignement et d'espionnage. C'est aussi pour cela qu'on a préféré parler d'intelligence économique. L'espionnage, c'est quand on utilise des techniques dites conspiratives ou illégales pour obtenir de l'information. On peut le faire au service de l'État comme on peut le faire au service de l'entreprise. Le renseignement englobe l'espionnage, mais le renseignement, ce sont aussi les techniques d'investigation non illégales. Mentir, ce n'est pas puni par le code pénal. Nous sommes donc dans des pratiques qui relèvent du renseignement et non pas de l'espionnage. Et dans la mentalité française, on a eu très peur tout de suite de cette notion de renseignement économique. Donc on limite nos pratiques finalement à de la veille, de la recherche d'informations classiques sur Internet, parce que tout ce qu'on ne peut pas obtenir par Internet, finalement, est considéré à tort comme étant de l'espionnage. L'objectif du renseignement économique et donc de l'intelligence économique, c'est d'évoluer dans la zone grise. Ce n'est pas d'être dans la zone noire qui est réservée soit au service d'État, soit qui est totalement punie par la loi. C'est-à-dire que très concrètement, dans le monde de l'entreprise, ce que l'on voit relativement peu, heureusement, ce sont des vraies techniques d'espionnage, avec du chantage, avec de la pose de micro, avec de la manipulation d'individus. Je ne vous dis pas que ça n'existe pas, mais ce sont des choses qui sont extrêmement répréhensibles et généralement que la majorité des cabinets de consultants spécialisés ne font pas ou ne font plus parce que partout le droit se durcit. En revanche, monter une fausse société pour répondre à un appel d'offres, c'est une fausse société parce qu'elle n'a pas de chiffre d'affaires, mais elle a une existence légale, elle peut avoir une adresse légale, elle peut avoir des salariés légaux, même si tout ça est factice. Vous voyez, c'est la différence au sens propre entre l'espionnage et le montage qui relève du renseignement, mais qui est suffisamment astucieux pour ne pas transgresser la légalité et se mettre lui-même en situation de poursuite pénale. Tout l'intérêt d'être un ancien des services de renseignement, c'est ou de police, c'est d'avoir des amis dans les services de police et de renseignement. Donc, par définition, ça peut être utile de temps en temps, pour identifier une plaque, pour identifier un truc, de demander à un ami. Après, on peut le voir pour certains comme les anciens maîtres espions français. Ça peut aller beaucoup plus loin. Et du coup, là, on parle de trafic d'influence. Et je pense pas que ce soit aujourd'hui la norme des cabinets d'intelligence économique de faire appel à ça. Qu'est-ce que c'est la tricoche, Bruno? La tricoche, c'est le moyen d'accéder à l'information de manière rapide mais illégale. Très clairement, c'est l'achat d'informations et l'achat d'accès aux services de police, voire dans certains cas extrêmes, l'utilisation de policiers à des fins privées, comme garde du corps ou vigile avec leur arme de service, en dehors des heures de bureau. C'est un truc qui est quand même en train de disparaître, il faut être honnête, ça se réduit peu à peu. Il y a 20 ans, c'était l'horreur. Vous achetiez l'accès aux fichiers de police, les plus confidentiels, le fichier STIC, les choses comme ça. Donc les infractions constatées, même s'il n'y avait pas eu de poursuite derrière, les antécédents judiciaires d'une personne, la facturation détaillée sur le téléphone, etc. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui est très très nettement en voie de disparition. Tout est traçable. Ces risques-là d'atteinte à la liberté individuelle sont plus possibles. Les micros, c'est encore d'actualité dans le monde des grandes entreprises, Bruno Delamotte? Si ça l'est encore, c'est de manière résiduelle. Il y a 15 ans, 20 ans, on posait des micros. Il y a des groupes français qui avaient des multiprises qui étaient infectées, on va dire. Certains services de police fermaient les yeux en disant « ça profite à l'industrie française, ça fait pas de mort, etc., on est au courant, c'est pas très grave ». Depuis l'affaire Clearstream, les procédures n'ont fait que se durcir. Et vous avez tellement plus de choses par la voie du cyber, par la messagerie, par le détournement de téléphones portables ou autres, que y a pas vraiment l'intérêt d'aller jusqu'à rentrer en entreprise et poser un micro. C'est prendre un risque légal qui est trop lourd. France 2, 28 septembre 2016. Bernard Squarcini a été le plus grand flic de France durant 4 ans sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Lui, l'ancien patron du renseignement intérieur, reconverti dans le privé depuis 2013. Aujourd'hui consultant en sécurité, il a pour clients de grands groupes comme LVMH par exemple. Et c'est justement cette reconversion qui est dans le viseur de la justice. Bernard Squarcini est en effet soupçonné d'avoir profité de ses réseaux au sein de la police pour obtenir des informations sur des enquêtes en cours. J'ai servi la fonction publique et le service public du renseignement et la lutte antiterroriste et bien d'autres domaines pendant 32 ans. Je suis remercié. Je n'ai pas encore l'âge pour aller cultiver des parcelles de je ne sais quoi. Donc, à la demande de plusieurs amis, je crée cette petite unité pour apporter un éclairage sur des choses que j'ai découverte durant toute mon activité et sur lequel il y a un manque de culture totale au sein du monde de l'entreprise française. L'intelligence économique, c'est devenu aujourd'hui, vous en êtes l'un des exemples, la voie de reconversion presque naturelle des anciens des services. Il y a une voie logique dans le temps à basculer à un certain moment de ce côté-là. J'ai rempli ma mission. Je retrouve à l'étranger mes homologues qui sont également passés consultants et autres. Vous dites ça comme une évidence, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a une frilosité en France aujourd'hui à voir ces transfuges du public vers le privé. Écoutez, vous avez bien beaucoup d'énarques qui, après être passés par l'école, intègrent directement des boîtes privées alors qu'ils sont formés par la fonction publique et personne ne s'en étonne. Je n'ai quand même fait que 32 ans au profit du service public. C'est pas rien. Quand on est vraiment sur le plan opérationnel intelligence économique, on considère qu'il y a trois types de techniques qui sont utilisées. Les premières, c'est les techniques pour avoir de l'information. Ce que fait le concurrent, son chiffre d'affaires, ses salariés, son organisation, ses brevets, ce qu'il prépare, la recherche et développement qu'il fait, ça c'est le premier point. Deuxième point, on fait ce qu'on appelle de la pénétration de marché. C'est-à-dire qu'il s'agit d'arriver sur un marché porteur avant un concurrent. Et si possible de manière dissimulée pour que les autres concurrents ne s'aperçoivent pas que vous allez vous-même vous positionner là-dessus. Puis le troisième domaine, c'est ce qu'on appelle la déstabilisation. C'est-à-dire qu'on recherche de l'information, on utilise des techniques qui viennent du renseignement pour affaiblir un concurrent ou faire disparaître un concurrent. Qu'on veuille le racheter ou qu'on veuille le faire disparaître parce que c'est un concurrent qui vous gêne. Faire circuler une rumeur selon laquelle telle entreprise fait du blanchiment ou attente aux droits de l'homme ou a fait de la corruption ou fait travailler des enfants au Pakistan pour faire tel ou tel produit, eh bien peut porter atteinte à sa réputation et l'amener à perdre des marchés parce que les médias vont s'en prendre à elle, parce que des salariés ou des mouvements de droits de l'homme vont s'en prendre à elle. Donc il faut bien voir que dans ce monde de l'intelligence économique, ce n'est pas que du vol de l'information, mais que c'est aussi des techniques de déstabilisation. Claude Moniquet, ancien correspondant de la DGSE, co-dirige aujourd'hui l'ESISC, basé à Bruxelles. Est-ce que ces entreprises privées de renseignement, il peut leur arriver de collaborer avec les services officiels, étatiques? Ça dépend des pays. Dans les pays anglo-saxons, il y a une très très forte coopération, effectivement, entre le renseignement privé et le renseignement d'État. La Rand Corporation, par exemple, pour prendre l'exemple qui est public, hein, qui est une énorme société d'analyse stratégique américaine, vit exclusivement de ses contrats avec le Pentagone, la CIA, etc. C'est connu, c'est public, et fait du très très bon travail. On n'a pas ce genre de choses-là en France. Il existe en France, mais je ne vous dirai pas lesquelles, une ou deux sociétés de sécurité privée qui sont clairement très très liées au service et qui sont une prolongation de l'action du service par différents moyens. Mais il n'y a pas de culture, donc on est là dans un jeu dans lequel le service a malgré tout la main sur une société extérieure que d'un sous-traitant. Mais il n'y a pas cette idée d'intégration publique-privée. Ma conviction profonde est qu'à un moment donné, pour des raisons qui sont des raisons matérielles, financières, budgétaires ou simplement de fonctionnement, on y viendra. C'est un vaste débat, hein, débat idéologique, politique, éthique. Comme il y a une privatisation de la guerre aujourd'hui, il y a une privatisation du renseignement. On est en retard par rapport aux États-Unis, mais tout ce qui se fait aux États-Unis finit toujours par se faire avec retard en Europe. Donc en Europe, le mouvement a commencé, il n'est pas encore mûr, mais il est très clair qu'il y aura dans l'avenir, dans les 10 années à venir, nous allons assister à une meilleure intégration du renseignement privé et du renseignement public, ce qui pose évidemment des questions éthiques et des questions de contrôle. Il faut être très clair là-dessus. Mais ça se fera, j'en suis intimement persuadé. Ne fût-ce que parce que dans le privé aujourd'hui, on trouve ce qu'on ne trouvait pas il y a 20 ans. On trouve énormément d'anciens. On trouve des anciens de la DST ou aujourd'hui de la DGSI, des anciens de la DGSE, des anciens de la DRM, des anciens de la police nationale, de la gendarmerie. Donc beaucoup de talents réels, de gens qui sont encore jeunes, puisqu'on vit mieux plus vieux, qui sont encore en capacité d'agir, dont il serait donc idiot que les services et l'État se passent de leurs services. Est-ce qu'il est avéré que les grandes oreilles de la DGSE, Jean Guinel, espionnent pour le compte des grandes entreprises publiques françaises? Historiquement, ça a beaucoup dépendu de l'attitude, d'abord du contexte géopolitique et de l'attitude des directeurs. Par exemple, début des années 80, Pierre Marion, puis Pierre Lacoste, ont eu à cœur d'aider les entreprises. dans un domaine qui devenait de plus en plus concurrentiel, avec la guerre froide qui se terminait. Mais vous avez des chefs de service qui ont considéré que c'était pas leur job. Aujourd'hui, dans le contexte du terreau et tout ça, je suis pas certain que les services placent une priorité considérable sur les entreprises. Comme la DGSI. La DGSI, elle est chargée de l'aspect défensif de la protection du patrimoine. Patrimoine industriel et économique. Donc elle a ça dans son cahier des charges. Est-ce que c'est là-dessus qu'elle fait porter le plus d'efforts aujourd'hui? Je suis pas certain. Mais ce qu'on m'a raconté, c'est que lorsque dans des interceptions, il y a des informations sur le monde économique, elles sont transmises le cas échéant. Aujourd'hui, la DGSE aide beaucoup les efforts de l'État en matière de vente d'armes, par exemple. Parce que quand vous êtes dans une négociation commerciale, qu'est-ce qui est très important? Ben, connaître les limites de votre client et connaître aussi les limites de vos concurrents. Mais si vous voulez, il faut garder raison. C'est-à-dire que c'est pas la DGSE qui va permettre de gagner des contrats, mais c'est pas la faute de la DGSE si la France les perd aussi. On peut imaginer que l'aéronautique, que l'énergie, que les transports, mais pourquoi pas la pharmacie, les biotechnologies, voilà, un secteur stratégique. Jean-Dominique Merchet. On sait qu'il y a des procédures. Ces procédures remontent à l'Élysée. Et c'est le président de la République qui décide, ou en tout cas son entourage proche, mais je pense qu'il est dans la boucle, lui personnellement, si oui ou non, on fait ce genre de choses. Ça ne se décide pas sur un coin de table au ministère de l'économie ou de la défense. Non. C'est des choses, ça remonte au sommet de l'État. Et il y a l'arbitrage qui est fait avec, on prend des risques à faire ça. Il ne faut pas se faire rattraper. Mais en même temps, comme tout le monde le fait, sans le dire. Il se murmure que, en échange de ces informations récoltées par le renseignement technique français, les entreprises rendent de menus services à la DGSE. Une couverture pour tel agent dans tel pays. Est-ce que vous croyez que ce genre de deal existe, Jean Guinel? Mais en matière de renseignement et de services, tout est possible. Absolument tout est possible. Personne ne dit que les entreprises n'aideraient pas les services secrets. Je vous rappelle juste que les services secrets ne sont pas une entreprise mafieuse. Ce ne sont pas des délinquants. Ce ne sont pas des crapules. Ce sont des gens qui agissent dans l'ombre, dans l'intérêt de notre pays commun. Ces dernières décennies, un nouvel outil est apparu dans le jeu décidément trouble de l'intelligence économique, l'usage du droit à des fins d'espionnage. Et comme souvent, la pratique est venue des États-Unis. Les Américains ont sorti des lois anticorruption qui font que toute entreprise ayant fait de la corruption, dès lors qu'elle a une filiale aux États-Unis, qu'elle a fait des transactions en dollars, qu'elle a utilisé des fournisseurs d'accès Internet américains, est passible d'une poursuite judiciaire du département de la justice américain. Mais encore faut-il avoir les preuves. Donc, ils travaillent de plusieurs façons. Il y a des cellules du FBI qui lisent la presse économique internationale en permanence et qui relèvent tout simplement dans les médias du monde entier quelles sont les entreprises qui sont mises en examen ou qui sont soupçonnées ou accusées d'espionnage en Indonésie, aux Philippines, en Thaïlande, au Gabon, n'importe où. Et quand il s'agit d'avoir les preuves, eh bien, il y a aux États-Unis ce qu'on appelle les war rooms, les endroits où s'échange l'information entre le monde privé et le monde public. Et là, effectivement, c'est la NSA qui, sur la demande à la fois du FBI et du département de la justice, va orienter ses grandes antennes sur les communications d'Alstom, par exemple, pour savoir de quelle façon Alstom a envoyé des emails ou a permis à ses consultants de faire de la corruption sur les contrats. Donc, à partir de ce moment-là où les preuves sont réunies et qu'on a l'arme judiciaire, on oblige finalement une entreprise à passer sous les fourches codines et à vendre, alors qu'elle ne voulait absolument pas vendre une partie de ses filiales. Les sociétés se voient imposer d'accueillir en leur sein un cabinet mandaté par le département de la justice américain. Et ce cabinet est chargé de vérifier la lutte anticorruption, de vérifier les processus anticorruption de la société qui a été condamnée pendant X années, 3 ou 5 ans généralement. C'est ce qu'on appelle le monitoring. Le corporate monitoring. À partir de là, ce cabinet-là a accès à toutes les données de l'entreprise. On voit très bien le jeu qu'il y a là-dedans, c'est que du coup, elle a accès sur des sociétés aussi stratégiques que BNP ou Total pour la France. Il a accès à toutes les informations. Ou au hasard, Alstom, t'as accès à toutes les informations et Coïncidence, je ne crois pas que quelques mois plus tard, une offre de General Electric match parfaitement avec la moitié des process d'Alstom qui était au même moment justement soumis à une enquête du département de la justice américain pour des faits de corruption. Le cas Alstom est aussi un exemple merveilleux de la manière dont les Américains ont réussi à affaiblir une entreprise française sur des bases fondées. Effectivement, il y a eu de la corruption sur les grands contrats internationaux effectués par Alstom, mais quelle entreprise aujourd'hui à l'international peut faire du commerce international sans un moment ou un autre mettre un peu d'huile dans les rouages? C'est regrettable, mais c'est comme ça. Ceci dit, dans les pratiques qu'ont conduit les gens de General Electric, eh bien, on retrouve toute la chaîne de l'organisation du renseignement économique avec l'implication du FBI, du département de la justice, de la NSA, d'acteurs économiques pour affaiblir une entreprise française et racheter notamment son, je dirais à la fois ses marchés et son patrimoine technologique. Donc ça pose quand même un souci, ce qui amène à penser que cette pratique du monitoring participe d'une forme d'espionnage économique des entreprises américaines. La pratique du monitoring, oui, clairement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi elle naît. Pourquoi on se fait accuser de corruption qu'aux États-Unis? C'est de l'espionnage, enfin c'est l'espionnage industriel à grande échelle, on va dire, entre guillemets. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que si on pouvait le faire, on ferait pareil. Et que du coup, c'est juste que nous, on a longtemps préféré se faire condamner aux États-Unis à avoir des sociétés sous monitoring plutôt que de mettre en place des process juridiques et anticorruption en France, en fait. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'article 21 bis, qui est pour l'article. Qui est contre. Et justement, ce mois de septembre 2016, l'Assemblée nationale examine le projet de loi Sapin 2. Qui est contre. Parmi les amendements déposés, l'un d'eux, défendu par les députés Pierre Lelouch et Karine Berger, entend contrer cette ingérence américaine dans les affaires des entreprises françaises. Contre, adopté. À chaque fois que les Américains décident que quelque chose est contraire à la loi américaine, ils vont appliquer la loi américaine au reste du monde. Pierre Lelouch. La compétition, elle est sanglante. Donc, ceux qui sont les mieux organisés et les plus performants piquent les entreprises de leurs concurrents. Ce que j'essaye de faire, c'est de rendre aux Américains la monnaie de leur pièce. Je voudrais que la loi française soit extraterritoriale, ce qu'elle n'était pas. Et donc, les faire payer, exactement comme nous payons aux États-Unis, des milliards de dollars, hein, pas de raison que ce soit que dans un sens. Vous avez un système, on va faire le même système. Il faut être réaliste dans un monde dans lequel les autres ne nous font pas de cadeaux. Parce que moi, je veux bien être la fleur bleue et de dire on s'aime, peace and love, je trouve ça formidable. Mais avec peace and love, tout le monde est au chômage en France. Hein. C'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai toujours dit que l'intelligence économique, c'est le meilleur rempart pour préserver l'emploi. C'est ça le fond du problème. Alors, pour préserver l'emploi, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Si on prend le problème comme ça, si on dit pour préserver l'emploi, est-ce que je suis prêt, moi, à me défendre et en donnant des coups aux autres comme ils m'en donnent à moi? Alors là, le problème devient intéressant parce que là, on va pouvoir réfléchir. Et effectivement, et pourquoi pas fixer des limites. Mais à partir du moment où on ne veut pas parler du problème, qu'il y a une espèce de déni de réalité, alors on se condamne. Et moi, j'avoue, quand je vois les entreprises françaises partir, comme récemment, on a vu partir Alstom, on a vu partir Lafarge, on a vu partir Technip, on les voit partir les unes après les autres. Moi, je sais que derrière ça, c'est moins d'emplois en France, moins d'argent pour les caisses de l'État, donc je peux pas me réjouir. Et moi, je me dis, ben à chaque fois, est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour empêcher ça? Par l'intelligence économique, probablement, on aurait pu le faire. Je dis probablement, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. C'était « À la guerre économique, comme à la guerre » avec Alain Juillet, ancien responsable de l'intelligence économique auprès du Premier ministre, Bruno Delamotte, PDG de Risk & Co, Éric Denessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, Olivier Lignol et Alain Bouillet, responsable de la sécurité des systèmes d'information et responsable du CESIN, Pierre Gatineau, rédacteur en chef d'Intelligence Online, Bernard Squarcini, ancien patron de la DGSI et président de Kyrnos Conseil. Jean Guinel et Jean-Dominique Merchet, journalistes. Claude Moniquet, PDG de l'ESISC. Et Pierre Lelouch, député. Merci à Véronique Loquet. Réécoute et téléchargement sur franceculture.fr. Mixage, Alain Joubert. Un documentaire d'Amaury Chardot et Julie Bérissy. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez nous pirater, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour l'Eurostar ou nous réécouter en classe affaires, eh bien, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Twitter, LSD série doc. Et demain, dernier épisode, Mark Kennedy, l'espion qui m'aimait. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de Tank, notre partenaire qui propose, par abonnement, une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Mais dans un instant, c'est le journal de 18h.